pour parler du Congrès du peuple. Et si j'ai bien compris, c'est un des regroupements ou un des groupes qui a joué un rôle dans le début du mouvement actuel. Justement, c'est un mouvement qui est né à partir de l'année 2010, à partir d'une réorganisation du mouvement paysan, le mouvement indien et le mouvement de ville, ce qu'on appelle le mouvement populaire et les étudiants. Et ça s'appelle le Congrès du peuple, et depuis lors, on a participé à plusieurs mobilisations, protestations, et notamment les plus forts en 2016, 2017, 2018 et 2019. C'était des grèves nationales, juste pour parler de la persécution d'un concept qu'on utilise beaucoup en Colombie, mais qui est difficile à comprendre en Europe, c'est la tuerie des leaders sociaux. C'est quoi un leader social? Vous allez l'entendre dans le podcast. Mais le Congrès du peuple, c'est l'une des drapeaux de lutte, c'est la protection des leaders sociaux. Parce qu'en Colombie, beaucoup de gens ont été assassinés que par porter la voix de la population, la revendication de la population. Et quels sont les autres mouvements qui étaient à la base des actions qui ont mené à la situation actuelle? Un autre mouvement, un regroupement aussi d'organisations sociales qui s'appelle la Cumbre Agraire, la Cumbre Agraria, et les centrales syndicales. Donc, le plus actif dans les centrales syndicales, ce sont le mouvement des enseignants, le mouvement des juges, des avocats, et le mouvement ouvrier, bien entendu, du pétrole notamment, et aussi le mouvement de quartiers populaires qui ont pris un peu. Qui on a pris beaucoup de terrain, surtout à l'heure actuelle, dans la grève en cours. Donc, la grève est lancée à partir d'un préavis de grève qui a été déposé en juillet 2020 pour essayer de sortir le pays d'un problème économique très fort, un taux de chômage de 16% normal, mais en réalité, c'est un taux de chômage qui arrive à 45% si on comprend que la plupart des gens n'ont pas un contrat de travail et que ça s'est fait par la petite économie. Donc, la pandémie a attiré beaucoup de nuits pour tous les gens qui étaient dans ce qu'on appelle l'économie informelle. Et alors, le taux de chômage, après la pandémie, depuis mars 2020, a explosé. Et donc, le préavis de grève que les centrales syndicales ont déposé en 2020 attendait une résolution. Et puisqu'il n'y avait pas de résolution de la part de l'État et du gouvernement, le mouvement a été lancé le 28 avril. Mais c'est un comité élargi à partir des centrales syndicales qui ont déposé le préavis de grève. Oui. Et une des revendications, c'était notamment la demande d'arrêter la persécution des leaders. Les leaders sociaux. Et c'est notamment le sujet du podcast qu'on va écouter. Vous pouvez raconter un peu de quoi il s'agit? Je pense que les assassinats de leaders sociaux se rajoutent à un ras-le-bol du peuple colombien, etc. Voilà, et donc en fait depuis 2016, depuis les accords de paix avec les FARC, il y a eu une hausse des assassinats de toute personne dans des zones de campagne, etc., qui se sont fait assassiner. Donc une hausse d'assassinat qui a commencé avec le gouvernement de Duque, l'actuel président, et avant. Et voilà, et donc le podcast explique ce que sont ces personnes, le concept que c'est, qui est un terme leader social qu'on connaît peu ici, etc. Et donc ce podcast explique ce qu'est un leader social et quels sont les types d'oppression dont ils sont victimes. Où que vous soyez dans le monde, bienvenue à Cara Diovana, le podcast qui vous plonge pendant une quinzaine de minutes dans l'actualité des luttes colombiennes. Et ce, depuis la Belgique, le Canada, la France, la Suisse et encore. Un lien nous rassemble à travers un réseau de solidarité politique basé en Colombie. Ce réseau, qui comprend des organisations à la fois colombiennes et d'ailleurs, est appelé la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia. Avec la Cara Diovana, on cherche donc à vous transmettre ce lien particulier en vous informant sur les luttes des communautés afrodescendantes, autochtones et paysannes colombiennes. Parce que c'est le pouvoir de résistance du mouvement populaire qui nous inspire et qui nous solidarise. Qu'est-ce qu'on appelle un ou une leader en Colombie? La définition est large. Selon la Commission interaméricaine des droits humains, le statut de leader social, communautaire, communal ou paysan est basé sur l'activité que la personne exerce et la reconnaissance qu'elle a dans sa communauté, sans être forcément politique. Ils sont donc inclus dans ce concept les défenseurs des droits de l'homme. Les personnes peuvent donc aussi tout simplement participer à l'organisation de quartiers, du territoire ou de leur communauté afro-autochtone ou paysanne, appartenir à un groupe de femmes ou faire du soutien scolaire, par exemple. Ça peut aussi être une personne militante au sens plus classique du terme, appartenant à un groupe politique. Ce peut être une personne qui se retrouve à protester parce qu'on va l'expulser de son territoire pour y installer un projet extractif. Que la paz no nos cueste la vida. Que no nos cueste, que no nos cueste, que no nos cueste. El líder social no es un delito. Être leader social n'est pas un crime. Ce slogan est crié, écrit, chanté, graffité un peu partout en Colombie pour protester contre les arrestations très fréquentes au sein des organisations et mobilisations sociales. Elles font partie d'un processus systémique de criminalisation envers les personnes qui s'opposent à un système et qui défendent les droits humains et sociaux. Depuis les accords de paix entre le gouvernement et les FARC en 2016, on assiste à une augmentation des assassinats, des persécutions et d'une stigmatisation envers les leaders sociaux et leurs organisations. En moyenne, c'est un jour sur deux qu'on dénonce un assassinat, de quoi qualifier le phénomène comme une pratique génocidaire. Julian Andrés Gil Reyes est secrétaire technique et membre des commissions de formation de l'économie autonome et des affaires internationales pour le Congrès des peuples. Il est également membre de la Red de Hermandad. Il consacre sa vie à l'organisation de la mobilisation populaire via l'éducation. Il participe entre autres dans ses espaces éducatifs à faciliter le passage des jeunes de quartiers populaires où il a grandi afin qu'ils et elles accèdent à des études supérieures. En juin 2018, on l'accuse d'appartenir à l'Armée de libération nationale, l'ELN, et on accuse de recel, de transport et de trafic d'explosifs et de port d'armes. Basé exclusivement sur le témoignage d'une personne ayant reçu des avantages juridiques pour sa déclaration. Son procès dure 2 ans, durant lequel il est placé en sécurité maximale. Il est important de signaler que le ministère public a une base de données très complète des personnes qui exercent un leadership, qui participent aux organisations. L'État colombien applique des pratiques enracinées dans la politique, dans la justice colombienne, pour dénoncer, emprisonner et judiciariser beaucoup de gens qui s'organisent et qui pensent de manière critique. Criticamente. les organisations de défense des droits humains en Colombie ont identifié 3 profils des leaders sociaux qui sont criminalisés. Les personnes qui luttent pour la défense du territoire, celles qui luttent pour l'environnement et celles qui luttent pour la paix. Pour criminaliser ces personnes, le système utilise ce qu'on appelle des montages judiciaires. C'est-à-dire qu'on crée une accusation avec des preuves montées de toutes pièces, souvent réfutables, contradictoires et soutenues au mieux par un témoin qui a souvent des intérêts à dire ce que veut entendre la police. Ces montages, en plus d'être carrément absurdes, sont issus d'une structure appelée le Bureau du procureur général, un bureau qui reçoit des fonds de sociétés privées et mixtes du secteur minier et énergétique du pays. José Murillo Tobo est porte-parole auprès des 3 structures organisatives dans le mouvement social et populaire du Centre-Orient colombien, le Congrès des peuples et le Sommet national agraire. Il a commencé sa militance à travers des comités étudiants et l'Association nationale des utilisateurs agricoles, participant comme représentant dans les comités au niveau local, municipal et départemental, assumant un leadership à travers des représentations du secteur agraire paysan. Peu avant son arrestation, il participe à diverses instances de négociation et de dialogue avec des entreprises et des acteurs étatiques en ce qui concerne les conflits relatifs aux projets d'extraction dans la région du Centre-Orient. Son procès est en cours depuis 13 mois. Il est accusé de rébellion, de conspiration en vue de commettre un crime grave, d'enlèvement et d'obstruction des voies publiques. Il nous parlait en direct de la prison La Picota à Bogota. Dans mon cas, c'est un montage super grossier, qui manque totalement d'éthique professionnelle, de ce à quoi devrait correspondre une enquête. Par exemple, on m'accuse de l'enlèvement d'un homme. Et il s'avère que le processus pénal permet de faire une reconnaissance photographique. Si la personne peut comparaître pour que la victime l'observe et dise si elle la reconnaît ou non, et dans le cas où elle n'est pas convoquée, ils peuvent au moins, avec une photo, demander « c'est bien cette personne ?» Mais là, ils n'ont pas montré ma photo à la victime. Ils lui ont simplement demandé de faire un portrait robot oral. L'homme a fait le portrait robot dans lequel il décrit la ou les personnes qui l'ont séquestré. Et avec un autre fonctionnaire de la fiscalía, ils ont fait une étude pour comparer entre le portrait robot qu'a donné l'homme et ma photo. Et en Colombie, pour qu'il y ait une identification complète, il doit y avoir plus de 40 traits semblables. Et au final, entre le portrait robot et ma photo, il est sorti de l'étude qu'il y avait à peine 11 traits communs. C'est comme si l'un avait 2 yeux et l'autre 17. Autrement dit, il n'y a pas d'identification complète avérée pour déterminer que j'étais la personne qui avait commis le délit de séquestrer cet homme. Un autre point, c'est qu'ils n'ont même pas appelé le taxi pour lui demander si ma photo correspondait bien à la personne qui était dans le taxi, qui l'a braqué et qui lui a dit qu'il devait aller récupérer la victime séquestrée. Rien de tout ça. Il y a simplement la version de témoins qui disent avoir appartenu à la guérilla, ce qui n'a rien d'étrange. C'est très commun, c'est une pratique très commune en Colombie. Les témoins payés par la fiscalía, les témoins intimidés pour obtenir des réductions de peine, pour obtenir des allègements pour les délits commis. Ces derniers arrivent après avoir commis un délit et du coup ils les menacent et leur font du chantage pour réduire leur peine. Et alors ils accusent une autre personne, bien que ce soit faux, et qu'il n'y ait aucune preuve contre elle. Et successivement, derrière ce grossier montage, ils m'accusent de séquestration, de rébellion, d'association de malfaiteurs et d'obstruction de la voie publique, car ils voient la protestation sociale comme une obstruction de la voie publique. Ça fait un an et un mois et demi, autrement dit 13 mois et demi, que je suis détenue, pendant lesquels l'audience préparatoire n'a toujours pas commencé pour entamer le jugement. Parce que c'est justement pendant le jugement qu'il est possible de prouver son innocence. C'est aussi possible durant l'audience de légalisation de capture et l'audience d'imputation des charges qui se font dans les 3 premiers jours de détention. Mais dans la majorité des cas, les juges peuvent être intimidés, menacés ou même corrompus. o hasta comprados en la mayoría de los casos. Alex Aguilar est vice-présidente de l'Association de femmes unies pour le Casanare et présidente du comité de femmes. Elle a été victime d'un déplacement forcé en Arauca en 2006 pour ensuite se relocaliser au Casanare en 2012, où elle s'installe dans une zone appelée Mi Nueva Esperanza, avec un peu plus de 400 maisons abritant des victimes du conflit armé. Pour visibiliser la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve la communauté, Alex s'est impliquée dans des processus d'organisation et de mobilisation sociale qui ont mené à des marches et des sit-ins pour exiger la fin des tentatives d'expulsion et un processus de relogement dans la dignité. Je fais partie de l'Association des femmes unies pour le Casanare en tant que vice-présidente. Je suis la présidente du comité des femmes ASMUC, de la communauté déplacée qui s'est installée à la Nueva Esperanza. Je suis victime du déplacement forcé du département de l'Arauca, de la municipalité d'Arauquita, en 2006. En 2008, je suis venue vivre dans le département du Casanare jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2012, je fais partie de la communauté déplacée et réinstallée de la Nueva Esperanza comme fondatrice parce que plusieurs personnes ne disposaient ni de logement digne ni d'emploi. Et face à la nécessité de maintenir un groupe de famille, il nous a semblé nécessaire de reprendre certains terrains de la municipalité de Yopal. Depuis ce moment, on a lutté pour un logement digne. On a bénéficié de l'accompagnement de différentes organisations sociales. On est sorti dans les rues, bloquant les routes, faisant des manifestations, des sit-ins, des mobilisations, pour voir si l'État nous écoute, et nous n'avons pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Depuis ce moment, nous avons reçu également beaucoup de signalements de la part de l'État, des enregistrements, des menaces, des judiciarisations. Et pour ce motif, peu à peu, j'ai été judiciarisée et privée de 2 ans de liberté. Parce que le fait d'exiger les droits qui nous reviennent constitue un délit pour l'État. Ils nous accusent de choses qu'ils ne devraient pas, ils nous judiciarisent parce qu'exiger nos droits représente notre péché. Nous, la seule chose qu'on a faite, c'est exiger un logement digne, dont on a le droit, parce que dans la constitution politique colombienne, figure à l'article 51, si je ne me trompe pas, que toute personne a le droit à un logement digne, et ici, ce droit est bafoué. Que viva, que viva la lucha popular. Le but, en judiciarisant les leaders sociaux, est aussi de faire peur aux organisations, aux personnes qui ont des préoccupations et des mécontentements, leur faire comprendre que ce n'est pas possible de s'organiser, que ce n'est pas légal de s'organiser. Alors que nous partons du principe qu'en accord avec la Constitution qui est garante de droits sur le papier, nous avons le droit de nous organiser, nous avons le droit d'intervenir publiquement pour exposer nos idées, en respectant évidemment les contradicteurs. Ce qui est loin d'être le cas en Colombie, où celui, celle qui pense différemment, qui s'organise, celui et celle qui diffère de la multinationale canadienne, britannique ou autre, il lui arrive une lettre de menace, on menace ses enfants, sa famille, il et elle sont emprisonnés ou assassinés dans le pire des cas. Les montages judiciaires permettent donc au gouvernement colombien de désarticuler la mobilisation sociale, mettre à l'écart les contestataires, intimider ceux et celles qui auraient l'idée de s'y joindre pour offrir une plus grande stabilité aux multinationales sur le terrain pour l'extraction des ressources et la contamination de la nature. Ferney Saldeco de San Luis de Palenque est en procès judiciaire depuis novembre 2018, conjointement à 7 autres personnes, principalement des membres de sa famille, dont sa femme. Aujourd'hui, les 8 personnes ont retrouvé soit une liberté provisoire ou sont en détention à domicile. Leur procès est toujours en attente, déplacé et reporté. Ils sont accusés d'avoir participé à des négociations en vue de déposer une liste de revendications relatives aux violations de la société canadienne Frontera Énergie. La société canadienne détient des puits de forage dans la région et parmi ces violations, on compte l'aggravation imminente de la crise à l'accès de l'eau et autres dommages environnementaux. La compagnie a également une dette envers la communauté de plus de 3,4 milliards de pesos pour des frais de services de transport, de nourriture et de logement que les habitants de la communauté ont fournis à ces entrepreneurs. Pourtant, 11 jours avant l'arrestation des 8 personnes, la compagnie a signé un accord avec le ministère de la Défense nationale, dans lequel l'armée nationale colombienne s'engage à assurer une protection spéciale aux zones d'intérêt de la compagnie en échange d'un budget important. Ça, c'est ce qui nous affecte le plus. C'est notre plus dure pandémie. C'est le gouvernement colombien en lui-même. 80% du muscle financier du gouvernement colombien est dans les hydrocarbures. Le gouvernement appuie beaucoup les entreprises extractrices de pétrole. Et celui qui s'oppose à ces entreprises s'oppose aussi au gouvernement, car c'est là qu'il y a la partie économique qui représente 80%. On a demandé aux personnes qui interviennent durant les entrevues, pour elles, qu'est-ce que ça signifie être un leader social auprès de sa communauté? Un leader social, initialement, obéit aux intérêts collectifs d'une organisation dans laquelle il est ancré. Un leader social est une personne qui représente une collectivité, qui représente les intérêts communs d'un groupe social. Dans le contexte colombien, aujourd'hui, les leaders sociaux nous faisons partie des ennemis publics de l'État colombien, car l'État nous assassine, nous emprisonne, nous menace dans la mesure où nous représentons des projets politiques, des projets de transformation sociale différents et évidemment en contradiction avec ce qui s'impose aujourd'hui en Colombie, qui a comme pratique le génocide et la négation des droits. Donc, le leader social, dans ce contexte spécifique colombien, représente aussi un projet politique, représente les intérêts de multiples communautés locales, communales, régionales et nationales, et obligatoirement obéit aux intérêts d'un accumulé, d'un espace organisatif politique. Être leader social pour moi, c'est cette personne qui pense différemment, qui vit dans le territoire et qui travaille main dans la main avec les communautés. De corazón para el mundo entero es nuestra propuesta social. Resaltando lo que está bien, rechazando lo que está mal. Je propose qu'on met les curseurs en juillet 2020. Hein? Donc il y a les centrales syndicales qui déposent un préavis de grève. Généralement, en Belgique en tout cas, ça veut dire qu'il y a des revendications et que les centrales syndicales veulent provoquer une négociation avec un gouvernement, une entreprise, un secteur. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, Angèle, quelles sont les revendications des centrales syndicales en 2020? Et est-ce que c'est vraiment le but de provoquer des négociations? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait? Bon, à ce moment-là, il y a déjà la persécution des leaders sociaux. C'est une des choses qu'il faut mettre en arrêt commencé à avoir la, la démocratisation du pays. Comme revendication. Mais il y avait aussi le chômage trop élevé, donc il fallait renouveler l'économie, renforcer l'économie à partir de la protection de l'économie antérieure, l'agriculture, renforcer les petites entreprises, créer des subventions ou des soutiens et logistiques aussi pour l'économie locale, fortifier l'économie locale, réduire le coût de frais de transport, par exemple, c'est une des choses, protéger l'industrie nationale, y compris le pétrole, qui était en train de, qui est en train de démanteler et mis à, dans les mains des privés, protéger aussi l'électricité, réduire le coût pour les foyers, le coût de, le coût de l'électricité. Il fallait aussi revoir le cadre de travail de soins santé et de soins, pas de soins, du système d'enseignement. Donc, c'est l'un des syndicats les plus forts du pays, les enseignants. Et toutes les revendications se portaient de l'économique, à partir de la, de le, récupérer l'économie pour que la précarité s'arrête et que les gens récupèrent un peu comme en France le pouvoir d'achat. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, et ça s'est fortifié après avec le mouvement mars et avril de cette année, c'était créer une allocation universelle pour les gens les plus démunis. Créer pas de subventions, mais une façon de que les gens puissent supporter le temps que l'économie se remet en marche et qu'ils puissent subsister, parce que l'informalité, suite à la pandémie, a fait des dégâts. Donc les gens qui pouvaient subsister, vivre, de vendre dans le coin de rue des fruits ou de la nourriture prête à porter, pizza, etc. Toute cette économie-là est tombée à l'eau. Donc il fallait trouver des boules d'oxygène pour la petite économie. Et l'économie, donc de plus en plus mal, les gens de plus en plus enragés, et les syndicats de plus en plus attaqués, parce qu'il fallait contenir ceux qui voulaient venir, le gouvernement voulait venir un mouvement de contestation fort. Et voilà, donc c'était les revendications à la base, et puis après, donc, se sont rajoutées d'autres choses. Le gouvernement, en pleine pandémie, a osé mettre sur table 4 réformes, 3 en Ouillon. L'une des réformes, la plus forte, c'était la réforme fiscale. Donc, il allait taxer ce qu'on appelle la nourriture de base, les œufs, le lait, la viande, si les gens arrivent à manger. Donc, il faut dire qu'à l'époque, et moi, je viens de cette époque-là, il y a une quarantaine d'années, on mangeait chaud 3 fois par jour et on faisait ce qu'on appelle le mi-matin et le mi-après-midi. Donc, on mangeait quelque chose, un café ou un truc. À la mi de l'après-midi et aussi à 10 heures du matin. Ça n'est plus le cas. Donc les gens arrivent à manger le matin et puis après le soir quand ils reviennent de toute la journée, donc l'économie est dégringolée d'une telle façon que les gens n'arrivent plus à se nourrir convenablement. Et donc en pleine pandémie, ils ont osé attaquer la nourriture de base. Ceux qui mangent à la maison. Deuxième réforme, ça c'était la réforme fiscale. Taxer ça, que jusqu'à maintenant, ça n'était pas taxé. Deuxième réforme, c'était la réforme des soins de santé. En plein pandémie, aucun gouvernement a touché les soins de santé. Mais en Colombie, donc, ça allait être privatisé totalement et devenir une sorte d'assurance. Donc si tu es malade ou si tu as un problème, tu devrais avoir une assurance pour de faire soigner. Et alors, les gens se sont révoltés, notamment le travailleur du secteur, qui c'est aussi un syndicat très, très fort dans le pays. troisième réforme, la réforme au droit du travail. Donc, la généralisation des contrats à durée déterminée avec la perte de tous les droits, pensions et tout ce qui va avec, vacances, etc. Et quatrième réforme aussi grave, c'était la réforme de retraite et la réforme des pensions. Donc, quatre réformes, ça s'appelle le paquet, le paquetazo, qu'ils sont aussi mettre sur place. Et la première qui allait être lancée, c'était la réforme fiscale. Et le ministre est sorti à la télévision à parler de la réforme. Il ne connaissait même pas le prix de lait ni le prix de soif, etc. Et ça a explosé. Donc, les gens ont commencé à se moquer. La révolte a commencé avant la grève avec ça. Et pendant la grève, première réussite de la jeunesse, c'était que ce monsieur-là, le ministre, il a dû renoncer. Donc, la réforme fiscale a été remballée, promis d'être remballé, et c'est pour ça que les gens n'arrêtent pas, parce que la promesse ne suffit pas. Et deuxièmement, le ministre a renoncé. Puis après, il y a eu la renonce aussi de quelques militaires, chefs de police, suite à la répression. Et ils sont mal à l'aise, donc il y a eu une renonce. Il y a eu la renonce aussi de la ministre des Relations des Affaires étrangères, parce que la façon dont elle a géré la crise antérieure, du point de vue de l'image du gouvernement au niveau international, c'était maladroit. Et alors elle a dû aussi renoncer, mais elle a été remplacée par la vice-présidente, qui c'est une dame qui est aussi néfaste que celle qui est, oui. qui est partie. Et avec quelque chose rajouté de grave, c'est qu'elle a des liens avec le narcotrafic. Donc c'est incroyable et c'est difficile ce que je viens d'avancer. Je devrais l'argumenter, le sustenter au cas d'une procédure judiciaire. Mais ça, il faut le dire, Madame Marta Lucía Ramírez, son frère a été mis en prison aux États-Unis parce qu'il y avait une affaire de trafic de cocaïne. Mais ce n'est pas la seule. Et ce n'est pas le seul cas dans le gouvernement actuel de la Colombie. Il y a eu des scandales, beaucoup de scandales, sur la pression ou l'intervention du narcotrafic au niveau du gouvernement. Mais bref, et la ministre des Affaires étrangères a démissionné et a été remplacée par la vice-présidente. Mais dans ce que tu nous dis, il y a une chose qui me frappe, c'est que, donc à la base, il y a une grève qui a été... il y a eu un préavis de grève de la part des centrales syndicales. Puis, pendant la période de négociation, soi-disant, avant la grève, le gouvernement annonce quatre réformes qui sont directement contestées par la population. Et puis, à un moment, tu parles de la grève qui commence et puis de la jeunesse. Mais si tu parles de la grève ou de la jeunesse, est-ce qu'on parle bien des mêmes mouvements ? Voilà, donc ça a changé. Et heureusement, en tout cas de mon point de vue personnel, et les centrales syndicales, à mon avis, sont dépassées par le mouvement, la force de la jeunesse qui s'est balancée à la rue, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas de boulot, ils ne vont pas avoir de boulot, ils n'ont pas de santé, le système santé va être démonté. Donc, il y a des gens qui ont porté le témoignage. Ils vont à la grève parce qu'il y a une sorte de solidarité sociale qui s'est installée. Et pour une fois, ils arrivent à manger deux fois dans la journée. Parce qu'il y a une organisation sociale qui se met, qui fait à manger. La soupe populaire. Les gens sont organisés en première ligne. C'est une ligne de protection. Ce n'est pas une ligne de défense ni d'agression. C'est une ligne de protection contre la police. Casque. Et comment on appelle bouclier fait artisanalement en métal, etc. Et ça, c'est la première ligne. Mais il y a d'autres lignes. Il y a la ligne de l'information, la presse populaire. Il y a une ligne juridique, assistance en droit de soumettre pour aller voir où sont cachés ou détenus les gens ou porter. Secours aux ceux qui sont blessés, etc. Il y a une ligne de soutien en santé tous les infirmières et quelques médecins se sont mêlés. Mais il y a l'autre ligne, c'est la ligne de la nourriture, ce qu'on appelle la soupe populaire. Alors, et ce moment-là, dans les villes, dans les quartiers, comme disait Jonathan, à Cali, à Popayán, à Bucaramanga, Cartagena, un peu partout dans le pays, et se nourrit que de la jeunesse qui n'avait plus rien à perdre. Mm-hmm. Pas d'école. Bon, donc, ils ne peuvent pas aller à l'université, ils ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas de source de travail. Et quand je t'entends parler, tu parles d'une telle ligne, une telle ligne, une telle ligne. Est-ce que c'est une analyse ou c'est une organisation? Ou est-ce que c'est, et s'il y a une organisation, elle vient d'où et comment ça se met en place? C'est un phénomène, c'est spontané. La première référence qu'il y en a, c'est l'année passée dans la grève au Chili. Les gens se sont organisés qu'en première ligne. Donc c'était aussi la jeunesse. Et c'était le même principe. C'était les gens qui portaient un bouclier, des casques et tout ça. Et ce qu'ils faisaient, c'est contenir l'attaque, la répression de la police pour que les gens puissent aller se casser de la manifestation. C'était protéger la population qui se manifestait de l'agression policière. Mais ici en Colombie, donc, ils sont organisés d'autres lignes de soutien à la première ligne. Et beaucoup de gens qui sont dans la première ligne, les gens à bouclier, qui s'organisent, je ne sais pas si vous savez, bon, c'est un truc de film, ils s'organisent en bloc, ils n'offensent pas la police, mais ils protègent la population. La police a commencé à faire des profilages, à prendre des photos, à se renseigner, et ils ont commencé à les pourchasser dans leur maison, ou dans la maison des amis, ou à l'université, si c'était des gens dans l'université. Donc il y a plusieurs de ces gens-là détenus. À l'heure actuelle, on compte plus de 1000 arrestations. On compte plus de... les chiffres disent 410 portés disparus, mais la chiffre constatée, pour l'instant, c'est de 89 portés disparus, et 42 morts, et plusieurs blessés, mais notamment 42 gens qui ont perdu un œil. Et comme on disait Jonathan tout à l'heure, des agressions sexuelles par la police. Donc, ce n'est pas qu'une personne était dans la rue, s'est égarée et était toute seule et a été violée. Non, c'est la police qui les a détenus. Et dans l'arrestation, ils ont agressé sexuellement l'une d'entre elles, violée, qui puis, par la suite s'est suicidée. Voilà. Ok. Peut-être qu'on peut retourner encore une fois en arrière, parce que le mouvement, enfin, il y a eu le mouvement de grève qui a été lancé par le central syndical. Il y a d'autres composantes qui étaient aussi à la base de ce préavis de grève et de cette grève. C'était notamment le Congrès du peuple et des organisations indigènes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus de où se situe ce mouvement-là dans cette lutte? Le mouvement indien qui s'est organisé dans une espèce de garde, c'est ça? La garde indienne, c'est la façon de protection. Tel qu'il y a la première ligne de gens, les Indiens, de leur part, ils ont créé, il y a des années, ce qu'ils appellent la garde indienne. Et ce sont des gens qui ne portent pas d'armes. C'est un bâton, mais le bâton, c'est juste pour s'identifier comme membre de la garde indienne. Ça ne sert à frapper personne. C'est une reconnaissance. Mais la force morale et l'organisation de la garde indienne fait qu'ils remplacent les gens qui sont en première ligne, qui sont agressés. Ils vont parler à la police parce qu'ils sont une autorité. Ça, c'est important à retenir. En Colombie, les Indiens sont une autre organisation sociale avec leur propre autorité, et l'une d'entre elles, la plus moralement réputée, c'est la garde indienne. Et ça, c'est la garde indienne, mais la garde indienne appartient au mouvement indien, et le mouvement indien a créé une sorte de mobilisation permanente qui s'appelle la Minga. Et la revendication, c'est la protection de leur territoire, y compris pour ne pas les exploiter, les abîmer pour l'exploitation pétrolière, minière, etc. C'est la protection du territoire et la Pachamama. Et deuxième revendication, c'est plus de terres, parce que les communautés continuent à grandir, mais ils ont de moins en moins de terres. Troisième revendication, financement de leur éducation et la reconnaissance de leurs soins de santé propres à eux, un savoir ancestral. C'est à peu près ça. Et ils ont réussi, par exemple, à construire une université indienne. Et c'est un mouvement à part entière. Et donc, eux, ils sont des revendications. Ils ont fait des mobilisations depuis la nuit du temps. Mais ce qui est à retenir, c'est que depuis 2010, le même que le Congrès du Peuple, ils se sont lancés à des manifestations et des protestations soutenues presque chaque année. Et la plus forte, c'était en 2016, et puis après en 2018, au Cauca, mais ils sont un peu partout aussi dans le territoire national. Et le Congrès du Peuple, pas la même chose, Arauca, sur de Bolívar, on parle de côté Venezuela-Arauca, côté côte Caribe, sur de Bolívar, côté sud du pays, limitrophe avec l'Équateur, voilà, donc Pasto, Nariño y Cauca, Bogotá, Cali, Medellín, ce sont les villes, et Bucaramanga, les villes où le Congrès du Peuple a une certaine organisation. Eux aussi, par les revendications régionales, c'est important ça, c'est des mouvements de région, ils ont aussi des revendications de protection de leur territoire et de fortifier leur économie locale. C'est tout un ensemble. Et on ne parle pas là de l'organisation sociale des étudiants et autres qui existe aussi en Colombie. Donc okay. c'est important, c'est un mélange de beaucoup de... Oui, ben, je propose qu'on prenne un peu Alain parce que c'est beaucoup d'informations. Et merci Angel, franchement c'est génial, mais je pense que de temps en temps il faut... Faire une pause. Faire une petite pause musicale. Pour nous permettre de reprendre notre souffle. Allez, Jonathan, présente la chanson. C'est l'hymne de la garde. C'est l'hymne de la... C'est ça qui, ouais, va, explique-nous. Qui va venir. Donc, comme Angel racontait, c'est que chaque peuple indigène de Colombie a sa garde qui est une autorité sur le territoire. Et donc ils ont leur hymne qui est reprise évidemment dans les manifestations, etc., et qui ont un signe de soutien. Si on la passe aujourd'hui, du coup, Radio Air Libre soutient la garde indigène. Tout à fait. Et ça, c'est beau. Bonne écoute. J'aimerais bien continuer sur la question de la violence, parce que le contexte a quand même fort changé. Enfin, si on prend un peu de distance, la FARC s'est démobilisée. Ce qui change beaucoup aussi sur le niveau territorial et qui gère quel territoire, le rapport avec le narcotrafic, tout ça, ça change, c'est en évolution. Et de l'autre côté, il y a des manifestants qui sont très revendicatifs et qui sont offensifs dans le sens... non-violente du terme, disons. Et est-ce qu'ils sont confrontés avec une violence qui existait depuis longtemps à la campagne, mais qui maintenant qui se manifeste beaucoup plus en ville. Et donc, je pense que cette violence, c'est très important d'en parler. Donc, d'un côté, il y a une violence policière et répressive qui était déjà là, historiquement, mais qui se remanifeste aujourd'hui en face de manifestants qui sont largement non-violent. Voilà. Ce sont des mobilisations, je ne sais pas si tu veux dire un mot, Jonathan, ce sont des mobilisations pacifiques, axées sur l'artistique, faire bouger les gens, les animer à sortir parce qu'il n'y a pas la violence, il n'y a que l'expression, la communication par le corps, par la musique, par la poésie, par la peinture. Et ce qui est pour moi frappant, c'est que là où il n'y arrive pas, l'armée anti-disturbe, l'escadron anti-émeute, là où il n'y a pas ce corps spécial de la police, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de trucs brûlés. Mais à chaque fois que les SMAT se pointent, on dirait que les SMAT apportent des gens qui vont faire des cassures qui vont brûler. Donc, pour moi, c'est une suspicion, mais je constate que où il y a eu des accords avec la police, où la police ne s'est pas présentée, corps spécial de la police anti-émeute, il n'y a pas eu de dégâts et la protestation se passe dans la bonne ambiance. Ce qui dérange au pouvoir, c'est le blocage. Donc maintenant, on va parler de grève. Grève, réellement, on n'a eu que le 28 avril et le 1er mai. Et le 1er mai, c'était un jour férié, donc la grève à moitié. Donc l'économie a continué à tourner. Mais seulement le 28 avril, tout était à l'arrêt. Ce qu'il y a maintenant, c'est le blocage des routes. Et qu'est-ce qui se passe que, moi, je ne le dis pas, je répète ici le mot de la presse américaine et de la presse colombienne. Aux États-Unis, il manque de la cocaïne. Et au port de la Colombie, tous les ingrédients pour fabriquer la cocaïne sont bloqués parce qu'il n'y a pas le passage, les routes sont fermées. Alors, pour moi, c'est une évidence que ce qui dérange pour l'instant, ce n'est pas que l'économie est bloquée, c'est que les routes sont barrées. Et alors, le gouvernement a décrété un état de convention antérieur qui donne des pouvoirs spéciaux à l'armée, pas à la police, pour aller débloquer les voies, pour ouvrir le mouvement des marchandises. Mais et des drogues. Voilà, donc le constat est là. Si un certain État aux États-Unis pense que c'est dans leur intérêt de laisser passer les drogues afin d'oppresser leur propre peuple, si à un moment le peuple n'est plus fourni en drogue, il y a un problème. Donc ils vont mettre la pression sur le gouvernement colombien pour libérer la route. D'un côté et de l'autre côté, c'est que l'économie du narcotrafic, c'est une malédiction pour la Colombie une sorte de nuance et de distorsion de l'économie. Pourquoi? Parce qu'un État où les gens ne travaillent pas, la jeunesse ne travaille pas, la jeunesse ne va pas à l'école et qui continue à tourner, c'est-à-dire qu'il y a une économie clandestine qui fonctionne. Maintenant, cette économie n'est plus là, l'État n'a plus d'argent, entre guillemets, alors l'État déclare la situation de crise et démarre l'armée pour libérer ça. C'est-à-dire qu'il faut libérer une économie clandestine et ça c'est préoccupant, c'est l'une des revendications de John, travailler à l'encontre de ce problème-là endémique de la Colombie, c'est la cocaïne. Une autre chose concernant la violence policière, c'est la présence à côté de la police. Ça, je ne l'ai pas vu ici à Bruxelles ni à Paris. Mais en Colombie, des civils armés qui ne sont pas des policiers, des agents secrets, qui se révélaient par la suite que ce sont d'autres gens, qui tirent des balles réelles avec fusils, pas seulement avec des pistolets contre les manifestants, qui sont pacifiques. Ça, c'est un côté délicat et on l'appelle en Colombie les gens d'où viennent, les gens bien vus, les gens. Ce sont des gens qui se mobilisent en camionnette de 45 000 euros, la moins chère. Ce sont les riches. Qui se mobilisent bien habillés, qui sont bien armés. Alors, dites-moi. De d'où sort l'argent, qui sont ces gens-là qui ne sont pas des entrepreneurs, qui ne sont pas des... Alors c'est une milice privée ou c'est quoi? Il y a 4 jours, il y avait un article dans The Guardian qui expliquait que à Cali, par exemple, il y a la guerre de classe qui s'est déclarée littéralement avec une bourgeoisie armée qui va tirer dans la foule. C'est vrai, un peu Jonathan disait tout à l'heure. Il y a une sorte de racisme qui s'est manifesté, qui est sorti de l'ombre. Donc, c'était le racisme contre les pauvres, mais aussi contre les Indiens, parce qu'ils sont tirés contre la garde indienne. Ils étaient fâchés que la garde indienne arrivait à faire des accords avec la police. Alors, le corps armé civil est sorti. Et en fait, ce mode de fonctionnement est représentatif du fonctionnement de la Colombie depuis 40 ans, c'est qu'il y a eu des groupes, on a permis à des gens de s'auto-organiser en milices, etc., pour mater toute rébellion. Ça s'est fait, ça a d'abord été des grands propriétaires terriens qui sont organisés, puis des multinationales qui utilisent du coup des milices privées, etc., et pour tuer et donc en fait ce qui se passe là Et dans la même lignée que de cette violence systémique, etc., qui existe en Colombie et qui est donc systémique parce qu'elle est, elle est portée par l'État et l'État n'intervient pas dans ce genre de choses. Donc l'État a toujours eu besoin de ce genre d'actes, etc., pour lui rendre service, en fait. Et donc qu'aujourd'hui, des personnes de quartiers plus riches, etc., interviennent de cette manière-là. En fait, c'est parce qu'ils ont été éduqués de cette manière-là, en fait. Ces gens-là se disent « Ah, mais c'est comme ça dont on fonctionne. Dans ce pays, en fait, j'ai le droit, si, parce que je suis considéré plus important, etc. » Et c'est pour ça qu'ils s'appellent « gens de bien » ou « gens moral », en fait. C'est ça, ils s'appellent « gens moral » parce que nous avons la morale légitime. Et donc, on est dans notre droit de sortir et de tirer sur les gens qui ne sont pas des gens moraux parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont indigènes, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont paysans, parce qu'ils manifestent, parce que voilà, ils ne ressemblent pas à l'idée que l'on se fait de la réussite d'un être humain, en fait. Juste pour en finir là sur la violence, cette violence-là qu'on vit maintenant dans les villes, c'était la violence toujours dans la campagne. Mais maintenant, c'est déplacé à la ville. Le risque de ça, c'est que si on ne fait rien de point de vue international, c'est autorisé moralement un gouvernement assassin et corrompu à faire n'importe quoi. Alors, si ça passe en Colombie, ça peut se passer n'importe où. Première chose. Deuxième chose, pourquoi une double morale, pourquoi un double tranchant? Pourquoi le Venezuela, où la violence de manifestants, c'était une violence extrêmement agressive et tueur, ou au Nicaragua, où les gens qui se manifestaient étaient armés, d'où ils sont sortis les armes. Et puis après, ils avaient des centres de torture. Et là, il y a eu, à l'encontre du gouvernement, qui était la victime des sanctions et des blocages pour le Venezuela, pour le Nicaragua, mais pour la Colombie, où s'est avéré que ce sont des civils qui travaillent ensemble avec la police. Les vidéos et les images, ça ne sont pas contestables. Ouais, mais alors, je pense qu'on peut difficilement, tu vois, faire ce genre de comparaison, tu vois, où... Je pense que plutôt, ce qu'il faut apprendre de la situation en Colombie, que malgré tout, en face de toute cette répression et de cette violence, il y a des mouvements sociaux qui, à la fois, des mouvements de jeunes qui dépassent complètement les structures institutionnalisées de mouvements sociaux, des syndicats, etc., qui s'auto-organisent, qui restent largement non-violents, mais qui sont très déterminés et qui ne lâchent pas leurs morceaux. Et ça, c'est quand même... Ça donne un espoir, franchement. Oui, c'est ça. Et les revendications, ce ne sont pas des revendications de changement de gouvernement, de faire un pouvoir parallèle, non, rien de tout. C'est juste faire des réformes pour que l'État fonctionne correctement et pour que l'économie se redresse et pour que les gens aient des opportunités. Ce n'est pas un mouvement qui a pour but de renverser le gouvernement et d'instaurer une autre sorte de gouvernement ou une autre sorte de système. Ce n'est pas un mouvement révolutionnaire, mais voilà, un mouvement réformiste. Je ne sais pas si réformiste, mais en tout cas, c'est un mouvement culturel, un mouvement propositif, un mouvement permanent qui ne se dégonfle pas, mais cela dit. Les centrales syndicales, à plusieurs reprises, ont essayé de négocier et définir la grève. Mais les gens refusent ça. Les gens se disent aujourd'hui, s'il n'y a pas une représentation de la jeunesse dans les négociations, et si on ne touche pas à la justice, à l'encontre de toutes les criminalités, la criminalisation qui a été faite à l'encontre des manifestants, il n'y a pas de négociation. Le minimum, c'est que les gens puissent sortir, la jeunesse puisse sortir du mouvement avec une sorte de processus judiciaire à l'encontre des gens qui sont responsables de ce qui s'est passé autant de... Oui, mais on a vu ce que le processus de paix avec la FARC a donné et quels sont les résultats des gens qui s'engagent vraiment dans des négociations honnêtes et sincères. Et puis à la fin, on voit ce que ça donne. Donc je pense que ce mouvement va encore apprendre et peut-être évoluer, mais ça, c'est un truc qu'on ne peut pas dire aujourd'hui. Non, ça, il faudra voir, mais quand même, il y a une histoire et un espoir, parce que c'est autre chose, c'est autrement comment ça s'est passé. Et les centrales syndicales et les politiciens sont en train de... Maintenant, quelqu'un qui veut faire de la politique, quelqu'un qui veut faire bouger au niveau social quelque chose doit compter avec les gens. Ça, c'est autre chose. Donc, il y a quelque chose qui a changé et ça donne un peu de l'espoir pour la Colombie, malgré la situation. Et ça donne aussi un peu d'espoir pour le moment de protestation à niveau régional et peut-être international. Parce que c'est autre chose. Malgré la violence, malgré la tristesse, la douleur, malgré les difficultés, parce que c'est compliqué à parvenir le soutien pour que les gens puissent se nourrir, pour que les gens puissent se soigner. Malgré tout ça, ils ne renoncent pas. Donc aujourd'hui, il y a une grève, encore une fois, une mobilisation nationale en Colombie, aujourd'hui, à ce moment-ci, et il s'est prévu... Le 6, 7, 8 juin prochain, une assemblée populaire nationale à Bogota. Parce que les gens se sont organisés en assemblée populaire de quartier, par quartier. C'est un peu comme les insoumis, les gilets jaunes. C'est un peu les indignés, c'est un peu la même chose, le même truc. Et ils vont s'organiser pour faire une assemblée nationale à Bogota dans les jours qui viennent. Donc là, il y a de l'espoir. Même si n'arrive pas à décrocher toute la justice à l'encontre de la souffrance qu'ils ont eue, c'est déjà gagné. C'est déjà gagné pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses. On passe une petite musique peut-être. Oui. Ah oui, ah. Donc lors des manifestations et surtout à niveau international, à l'extérieur en fait, de la Colombie, puisque Cali a été la ville où les gens ont résisté le plus, où les gens ont été le plus tués et disparus, portés disparus, il y a une chanson qui est la chanson de Cali, qu'on écoute toutes les années à la foire, à la fête de Cali. Ça s'appelle Oiga Mire Vea. Et là qu'on soit en manifestation, on est obligé de la mettre. Et on la met et tout le monde explose. On va exploser aussi. Explosion. Mais nous ne sommes pas terroristes. Explode de joie. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular, con caña dulce el melao hierve en la paila hasta amanece. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mira, se sabe gozar. Sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, vamos a Guachito esa remata. Con salsa de aquí, con mucho maní. Salsa de aquí, con mucho maní. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Oiga, mire, vea, use la feria para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plata, corrida de toros, de noche casi a casi en plástico. mueve la cintura. Et donc, pour les gens qui nous écoutent et qui veulent participer à des mobilisations en solidarité avec le mouvement en Colombie, quels sont les rendez-vous dans les semaines qui viennent ? Voilà, donc on a démarré le 28 avec la mobilisation à la Place Luxembourg. Là, c'était phénoménal, presque 1000 personnes. La police a été un peu surprise de la quantité de gens qui sont arrivés. Et tout s'est bien passé dans la bonne ambiance. Et on revient le 4 juin après 6 mobilisations qu'on a fait à Bruxelles. On a fait même un parcours en vélo. Et on revient à la Place Luxembourg le 4 juin avec une assemblée populaire. En Colombie, et les gens s'organisent par quartier en assemblée populaire pour discuter ce qu'il faut placer comme revendication au gouvernement local et au gouvernement national. Et maintenant, ici en Belgique, ça sera la 4e assemblée et ça va se passer à 17h30 le 4 juin à la Place Luxembourg. Puis après, il y a le 19 avril à la gare centrale. 19 juin, Nicole, à la place, à la gare centrale, il y aura une manifestation en hommage aux filles qui se sont fait agresser par la police. C'est un hommage féministe, c'est une organisation féministe, c'est un truc strictement culturel, artistique, et avec de la musique, mais aussi avec des performances de théâtre et autres. Et ça va se passer aussi le 19 mai à 17h30. 19 juin. Juan, désolé. Juillet. Juan. Commence pas, hein, Jonathan. Juin ou juillet? 19 juin à la gare centrale. Et puis après, le lendemain, le 20, il y aura une journée aussi de performance et de présentation artistique, peinture, photo, etc. à la place Fernand Koch. Donc ce sont les rendez-vous. 4 juin, place Luxembourg. 19 juin, gare centrale, et 20 juin, Fernand Koch. Moi, je me souviens, quand j'ai été au rassemblement du 21 avril, il y a eu un... Moi, je ne comprenais pas tout, parce que je ne comprends pas l'espagnol, mais j'ai quand même compris qu'il y avait eu une intervention de quelqu'un qui venait du Chili, et qui avait fait un parallèle, qui avait dit qu'il y a un soutien. Est-ce qu'il y a toujours des soutiens avec les mouvements du Chili ? Oui, la solidarité ici à Bruxelles a été large en participation latino-américaine, vénézuélienne, équatorienne et surtout chilienne. Avec un point en commun avec le Chili, c'était la force de la jeunesse dans la résistance. Oui. Et le symbole des chansons au Chili, c'était la chanson El baile de los que sobran. Et chez nous, c'est la chanson de la garde indienne. On a quelques parallèles. La première ligne aussi, c'est un parallèle. Et les revendications. La seule différence, c'est qu'en Colombie, les gens ne revendiquent pas, ne posent pas comme question une modification de la Constitution. Au Chili, c'était l'un des objectifs. Ils ont réussi. Oui. J'espère que... Que puisque notre pari est beaucoup plus modeste, qu'on va réussir, mais la différence répressive, c'est énorme. Okay. Et est-ce qu'il y a des soutiens internationaux à part ça ? Bien sûr. Ça se passe des manifestations et des soutiens, des organisations de solidarité un peu partout dans le monde, notamment en Allemagne, en Espagne, Angleterre, Suisse, Suède, Canadá, de eso que yo retiendo el plus, Australia, mais ce sont des Colombiens, mais aussi des organisations, notamment ici, on est soutenu par Intal, une organisation qui travaille sur l'Amérique latine, par le comité Daniel Gillard, et par d'autres organisations, entre Fraternité, d'autres organisations qui se portent solidaires et scandalisées pour ce qui se passe en Colombie. Mm-hmm. Il y a aussi les podcasts de votre collectif ? Tout à fait, donc ces podcasts s'appellent Cara Giovanna. Donc on sort des podcasts plus complets de manière un petit peu plus rare, et puis de manière spontanée, des traductions d'interviews de gens là-bas sur des faits quotidiens, etc., et principalement pour le moment liés à la grève. Donc vous pouvez retrouver ces podcasts ou sur SoundCloud, en tapant SoundCloud Cara Giovanna, ou sur Instagram, le compte Cara Giovanna. Voilà. Okay, merci. Merci. Je voulais à nos frères de France, Lyon, Marseille, et Toulouse, un peu partout aussi en France, on a eu le soutien, et aussi des médias alternatifs. Tous les médias possibles qui sont dans l'action de la solidarité sont fort touchés par la situation en Colombie, et on nous a donné la parole, et c'est génial, c'est un peu partout aussi. Voilà. Ben, quand le gouvernement est pire que le virus, le peuple est dans la rue. Bien dit, Nicole. Bien dit, Nicole. Droit au but. Avec les masques. Et dans la rue avec. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir et de nous éclairer un peu sur ce qui se passe là-bas, parce que c'est quand même assez tragique. Donc on va peut-être passer un petit musique avant de faire juste deux petits agendas ou je sais pas quoi. Il n'y a pas grand-chose dans l'agenda, mais il y a quand même un ou deux trucs dont je voudrais parler. Got it bad, so bad for Bobby. He's got the crazy look in his eye. He flipped his badge, made me surrender, but I'm sticking to my alibi. You're my alibi. Still got a grudge even though I'm loose. Hollow points in a loaded chamber tonight. I'm gonna blow his cool. He's coming with me tonight. It's a trigger in a laser sight. Watch so bad. There's no safety in the darkness. Sings the basement lullaby. I plead the fifth, leave no witness. No way to crack my alibi. You're my consequences. Midnight special in a 45. Rooming off to test forensics, but I'm sticking to my alibi. he's coming with me tonight. It's a trigger and a laser sight. I want so bad to love my Bobby. I got a bed so bad for Bobby. Voilà, donc merci encore à vous deux d'être venus. Alors je vais juste faire une annonce, parce que le 5 juin à 11h, place Masséna à Nice, ça se passe en France, mais c'est un mouvement international. Il y a une action féministe européenne, une action féministe européenne pour une Europe sans murailles. Et donc c'est depuis 2015 que l'Union européenne ne cesse de durcir ses politiques frontalières, tant intérieures qu'extérieures, rendant la migration d'autant plus criminalisée. L'espace Schengen ne cesse de renforcer un arsenal répressif à l'égard des personnes contraintes à l'exil. Cette situation ne fait que développer des économies mafieuses dans lesquelles s'articule toute forme de violence face aux exilés. Ces politiques de criminalisation de la mobilité pèsent particulièrement sur les femmes, qui représentent 54% des migrantes en Europe, notamment sur les lesbiennes et les personnes trans. Durant sa trajectoire migratoire, toute personne non conforme à l'ordre patriarcal est cible de violence. Et il est grand temps de déployer nos forces pour rendre visible ce qui ne l'est pas. Voilà. Et donc, c'est un appel donc, à refuser le durcissement des politiques migratoires qui menacent les droits fondamentaux des individus, refuser le renforcement des contrôles aux frontières, refuser les pratiques administratives inhumaines et l'absence de protection juridique pour les personnes en situation de migration, refuser l'accueil indigne et conditionnel réservé aux personnes en situation de migration, refuser les violences faites à toutes les femmes, lesbiennes, personnes transgenres sur les routes de l'exil. Nous, féministes, habitants, habitantes de l'Europe, de toutes les classes sociales et de tous les âges, quelles que soient vos provenances, nos provenances, nos choix, nos mondes, nous élevons la voix pour dire non, ces politiques européennes ne peuvent pas être menées en notre nom. Donc, rejoignons l'action tout aux frontières pour rompre avec l'histoire patriarcale et militariste, pour la liberté de circulation sur la planète, pour une Europe sans murailles, pour un accueil digne et la reconnaissance des motifs d'asile spécifiques aux femmes, aux lesbiennes et à toute personne non conforme à l'ordre patriarcal, pour créer des espaces de résistance et de solidarité dans les luttes. Voilà, donc ils espèrent avoir 10 000 femmes pour dire non à la politique migratoire européenne, oui à une Europe sans murailles. Voilà, et ils demandent aux gens de venir avec un cerf-volant, c'est le symbole de l'action de toutes aux frontières. Voilà, si vous voulez avoir plus d'infos sur l'action et le programme de cette journée, il y a un site qui est https://toutesauxfrontieres.wordpress.com. Voilà. Et le lundi 7 juin, il y a encore des rassemblements de soutien à Julian Assange, acte 114. C'est quand même beaucoup. Voilà. Donc, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup. Ben voilà, mais on est bien à l'heure. On est bien à l'heure. On est dans les temps. Incroyable. Incroyable. Et à la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, c'est pas nous, c'est la cloche de bois. Tout à fait. Ouais. La cloche de bois. On est de retour dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on sera là. Voilà. Merci à vous. Merci. Oui, au revoir. Merci, au revoir.